pa que ti ne pa ko ya we Yesu uni peri mo akika nime moyo ni mwangu baba kwenye machozi kwenye furaha kwenye mapito nimbo wa sifa kwenye hali zote mimi nime bila kuchoka nimbo wa sifa nisizuiwe na hofu mashaka wala uoga faraja na tumaini lako likawe wimbo kama ulinipa baraka kato sitasumbuka neema yanitosha nipe na wimbo wa sifa kwenye furaha kwenye mapito wimbo wa sifa kwenye hali zote mimi nime bila kuchoka wimbo wa sifa de moi quand je prie Seigneur écoute la prière de mon cœur et puis mets ta chanson dans ma bouche dans les larmes dans la joie dans les yeux très beaux chantons de louange quand il y a les sautés mi-mi-mi-mi-mi bila kuchoka wimbo wa sifa nime nime nime tu wimbo wa sifa kame fatige chanteo dans les larmes dans la joie dans les yeux rêveurs, chanter les chansons de louange. Dans tous les cas, moi je vais chanter. Dans mes fatigues, chanter les chansons de louange. Ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni Nimbo wa sifa, nimbe nimbe nimbe tu,